2, 1, 2, 3, 4. Mais moi je me fais chier comme un rat mort. Ouais, ouais. On est tous d'accord. Ouais, ouais. Bon, bah on se tire, hein. On sent que ça a fait. Oui, oui, oui. C'est nul, hein. Bon, là normalement c'est sur le contrebasse, hein, mais pff, c'est nul, hein. Je te parie même qu'il jouera même pas de guitare solo en manouche. C'est n'importe quoi. Si c'est pas joué, c'est pff, n'importe quoi. Hey, en plus, t'as vu le titre ? Ma nunu. À chier. Il est même pas foutu de finir en beauté. N'importe quoi.